par deux boumards. Tristesse du geste, bêtise du verbe. Fanny, buvait sa bière. Elle me regardait quelquefois, riant, jouant avec son boc. Dans la pire solitude qui soit, celle dont tout le monde se moque. Fanny restait muette. Elle guettait un Jésus, un sauveur, un messie. La chance de sa vie. Fanny, à l'endroit de l'ennui, à l'envers de l'envie. Silence passe sous ses doigts avant de mourir dans les balles du ventilateur en métal qui hachait la moiteur en froid. Fanny restait figée. Elle guettait un chéquier, un messie, un devis. L'argent de sa vie. Fanny à l'endroit de l'ennui, à l'envers de l'envie. Détaillait tous les passages, du plus beau jusqu'à la plus laide. Elle croquait tous mes visages d'une morsure de prunelle. Fanny célibataire. Elle guettait un classieux, un sérieux, un dandy. L'amour de sa vie. Fanny à l'endroit de l'ennui, à l'envers de l'envie.